Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une première fois dont le monde entier fut témoin, celle du premier pas de l'homme sur la Lune, le plus grand exploit technologique de l'histoire de l'humanité, le plus galvanisant. Depuis la nuit des temps, la Lune nous fascine et nous interroge, jusqu'à devenir le personnage principal des plus grandes œuvres artistiques, comme le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, par exemple, tout comme Jules Verne, Georges Méliès ou encore Hergé, qui ont tracé une route imaginaire vers la Lune. Plus tard, cette route s'est inscrite au cœur d'une incroyable bataille scientifique, politique et médiatique que se sont menées les deux grandes puissances de l'après-guerre, l'URSS et les États-Unis. L'espace devient ainsi, pendant près de deux décennies, le terrain d'une lutte intense entre les deux blocs pour savoir qui sera le premier à envoyer un homme sur la Lune. Songe d'une nuit réelle, au cours de l'été 69, la science-fiction devient science tout court, exploit, suivi par des millions de personnes devant leur télé aux quatre coins du monde. Cette nuit-là, la Lune devient palpable, son sol est foulé par des hommes pour quelques heures. Alors, le temps d'une émission, nous allons revenir sur ces journées historiques depuis le départ de la mission Apollo 11 jusqu'au retour des trois astronautes. Nous serons avec eux à l'intérieur du vaisseau grâce à la radio, comparse naturelle de la conquête spatiale. Toutes les deux sont en effet de magnifiques aventures du son. La voix des astronautes, lointaine et proche à la fois, précise et nasillarde, entrecoupée de ces fameux bips, ces balises de l'espace qui se marient si bien avec nos ondes terrestres et radiophoniques. Ce récit, ce sera aussi celui d'une aventure passionnante, vue d'en bas, pour nous, simples terriens, qui attendions une nuit entière les premiers mots et les premières images d'Armstrong et d'Aldrin. En seconde partie d'émission, nous recevrons Jean-Pierre Aigneret, l'un de nos spationautes français qui, comme ses collègues astronautes américains, a eu la chance d'explorer l'espace. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination, Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Romain Mahé. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Mais pourquoi la Lune, se demandent certains. Pourquoi la choisir comme notre objectif? Mais ils pourraient aussi demander pourquoi gravir la plus haute montagne? Pourquoi traverser l'Atlantique? Pourquoi l'équipe de Rice affronte celle du Texas? Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et d'accomplir d'autres choses, non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles, parce que cet objectif servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos forces et de nos compétences, parce que c'est un défi que nous voulons relever, un défi que nous ne voulons pas ajourner et un défi que nous voulons gagner. We choose to go to the moon. Sous un soleil de plomb, au milieu d'un stade où plus de 35 000 personnes l'écoutent, John Kennedy réaffirme sa détermination à envoyer un homme sur la Lune. Voilà un peu plus d'un an qu'il est devenu le 35e président des États-Unis. Jeune, charismatique, énergique, ses premiers mois au pouvoir, pourtant, n'ont été qu'échecs et désillusions, dont la pire, peut-être, est celle du 12 avril 1961, quelques mois après son élection, quand on le réveille en pleine nuit pour lui annoncer qu'un navire américain a capté une conversation en langue russe, celle d'un homme présent dans l'espace. Cet homme, c'est Yuri Gagarin. C'est lui qui ouvre la route de l'espace et les Russes remportent la première manche, haut la main même. L'Américain Alan Shepard, lui, ne fut que le premier Américain à franchir la frontière de l'atmosphère pour quelques minutes, donc le deuxième homme que l'histoire en principe ne retient pas, ou si peu. C'est donc bien pour éviter une nouvelle déroute, un mois jour pour jour après le succès de Gagarin, que devant le Congrès américain, le président Kennedy lance un défi à sa nation et au monde, envoyer un homme sur la Lune et le faire revenir sain et sauf. Alors, le programme lunaire, baptisé Apollo, sort de l'ombre et devient synonyme d'espoir et de découverte. Ce discours de Kennedy le 12 septembre 1962 clôt un voyage de deux jours sur les lieux où s'écrit ce nouveau rêve américain. Le président a marché aux abords de Cap Canaveral, cette base de lancement, futur port d'attache des fusées Apollo. C'est là que les astronautes embrasseront leur famille avant de partir pour le grand voyage. Ensuite, le jeune président a visité le centre de conception et de construction des navettes spatiales en Alabama, où l'on fabrique une fusée capable de propulser un homme à plus de 380 000 km, distance qui sépare la Terre de la Lune. Il est enfin venu à Rice pour réaffirmer sa volonté d'atteindre l'astre Sélène. Rice est situé près de Houston, où se trouve désormais le centre spatial, future boussole des astronautes, là où l'on dessine les cartes du ciel, l'itinéraire, objectif Lune. Assassiné un an plus tard, en novembre 63, John Kennedy ne verra pas les premières réussites et les premiers échecs de son programme. Les Russes, eux, accumulent les premières fois, première photographie de la Lune, première femme dans l'espace, première sortie extravéhiculaire, alors que la mission Apollo 1, elle, est endeuillée sur Terre, comme une double peine. Le 27 janvier 1967, en pleine opération de simulation, les trois membres du premier équipage d'Apollo 1 meurent, brûlés vifs à l'intérieur du module. Attachés, enfermés, ils n'ont pas pu éteindre l'incendie et être secourus à temps. Ils s'appelaient Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee. Ils sont les premiers morts de la conquête de la Lune, les derniers également. Si le choc a été grand et le retard conséquent, le rêve de Kennedy n'a pas été interrompu, loin s'en faut. Près de deux ans après l'incendie d'Apollo 1, le soir de Noël 1968, Apollo 8 offre au monde et à la télévision des images de la Lune. Pour la première fois, l'astre voisin est en prime time, grâce à l'audace incroyable de cette mission qui envoie trois terriens à quelques encablures de la Lune, passant une frontière que jamais, évidemment, aucun être humain n'avait franchie. Un truc de fou, dirait-on aujourd'hui. Un exploit immense que l'on doit aux trois astronautes, Borman, Lovell, Anders. Retenons leur nom, ils le méritent. Sur l'antenne de l'ORTF, Jacques Salbert commente cette rencontre du troisième type entre l'homme, tous les hommes, et la Lune. Pour le moment, ce que nous recevons est très flou. C'est un espèce de globe blanc qui se précise maintenant. On commence à voir un globe blanc qui est sur l'internet à la coque, si vous voulez, avec des vénures dessus, des taches grises. Et voici une image qui est nettement meilleure que la précédente, où l'on voit très nettement les cratères de la Lune. Et Houston est très satisfait. We get a real good picture, dit Kennedy. Grise et blanche, floue et impressionnante, enveloppée de poussière et accidentée de cratères, la Lune, d'un seul coup, nous devient familière. Ce jour de Noël, le compte à rebours est lancé. Quand acceptera-t-elle la Lune d'accueillir des hommes sur son sol et reviendront-ils sains et saufs ? Le 16 juillet 1969, à 7000 km de Cap Canaveral, la base de lancement de la mission Apollo 11. Dans ce village de France, à Chamblay, en Meurthe-et-Moselle, un homme s'est marié il y a quelques années. Venu d'Amérique, il y a séjourné le temps de son service militaire. Il a dit oui à sa femme, devant le maire, puis il est reparti. 6 ans après, ce 16 juillet 1969, à l'heure où les Français s'installent à table pour déjeuner, cet homme s'apprête à quitter la Terre. Son nom, Michael Collins. C'est le moins connu des trois astronautes de l'équipe Apollo 11, dont tout le monde parle. Un an après les émeutes raciales, l'assassinat de Martin Luther King, l'offensive du Tet par les Viet Cong contre les soldats américains, c'est la Lune qui fait désormais la une. La violence et la guerre s'installent dans les rubriques faits divers. Tout tourne désormais autour des trois hommes qui ont été choisis pour aller sur la Lune. Ce 16 juillet 1969, Collins est le dernier que l'on voit embarquer dans la petite camionnette qui amène les trois hommes sur le pas de tir de Cap Canaveral. Devant lui, Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui incarnent les espoirs d'un monde. Armstrong, qui porte le nom du héros le plus connu de l'histoire des hommes et pour l'éternité, est plutôt du genre « vivons heureux, vivons cachés ». Modeste de façon quasi exaspérante, quand on attend de lui qu'il envoie du rêve, il a horreur des interviews, des feux de la rampe. Aldrin, lui, est plus médiatique, plus ouvert, plus disert. Collins, enfin, c'est le troisième homme, celui sur qui la lumière ne vient pas, car il reste à quai dans son vaisseau autour de la Lune. En tout, trois hommes, scaphandres sur la tête, vêtus d'une combinaison blanche d'où sort un drôle de tuyau qui les relie à une valise portée à la main. Âgés de 39 ans, Collins, Aldrin et Armstrong ont tous rencontré l'espace en 1966. Aldrin a effectué deux sorties extravéhiculaires pendant plus de 5 heures. Armstrong, lui, a effectué le premier arrimage spatial et s'est sorti avec une immense dextérité d'une séquence sur Gemini où il avait été ballotté comme une toupie dans un vaisseau spatial devenu complètement fou. Autant dire que c'est un astronaute déjà très expérimenté, un cador même. Et c'est lui qui dirige cette 11e mission d'Apollo. Et puis c'est un civil, une précision qui a son importance dans l'image pacifique que les États-Unis veulent donner de leur conquête spatiale. Armstrong, Aldrin, Collins, ces trois astronautes au palmarès déjà bien rempli, dont le monde entier connaît désormais les visages et les vies, s'installent en haut du vaisseau dans l'attente du décollage. En 1492, lors du départ de Christophe Colomb, il devait être un peu moins d'une centaine à saluer les trois caravelles. Près de cinq siècles plus tard, ils sont près d'un million à se masser aux abords du pas de tir. Famille, proches, curieux, stars, inconnus, anciens présidents, mais aussi journalistes de plus de 50 pays, dont quelques Français comme Jacques Salbert, qui prend la parole sur l'antenne de l'ORTF à 14h32. Le décor de compte à rebours se poursuit. Le départ va donc avoir lieu très exactement à la seconde prévue. Ignition. Merveilleux départ, dans des conditions formidables. Les bruits commencent à nous parvenir maintenant. Il y a le temps de se moquer. Et à 100 km à la ronde, la Terre tremble sous les 35 000 tonnes de poussée des moteurs du premier étage et le ciel avale peu à peu la fumée blanche de l'engin. Quel spectacle terrifiant et envoûtant! Dans un vacarme assourdissant, près de 38 000 kilos de combustible brûlent dans un tourbillon de flammes et arrachent du sol l'incroyable Saturne V, une fusée de 110 mètres de hauteur. Alors, de Washington à Moscou, de Chambly à Montréal, on retient son souffle et on observe cette fusée partir pour l'espace. Armstrong, Aldrin et Collins ne voient rien de ce spectacle. Sanglés sur leur couchette, ils sont comme collés à leur siège à écouter les directives de Houston. Premier go pour la mise à feu du second étage de la fusée. Les moteurs du premier s'arrêtent, se séparent et finissent leur course dans l'Atlantique après 2 minutes 30 de vol. Ceux du second étage prennent la relève pendant 6 minutes, puis ceux du troisième pendant 2 minutes. Ça y est, Apollo 11 est dans le cosmos, en orbite autour de la Terre pendant 2h30. Puis une dernière poussée l'expulse sur la route vers la Lune. Cela dit, à Houston, le décollage n'a plus de secret. Voilà près de 8 ans qu'on envoie des hommes dans l'espace. C'est la suite qui est périlleuse. En plein milieu du cosmos, les astronautes doivent récupérer un bagage encombrant dans le coffre de la fusée, le module lunaire, pièce maîtresse qui aura la lourde charge d'acheminer Armstrong et Aldrin sur la Lune. 12 minutes après l'extinction du moteur du troisième étage, Columbia, le module de commande où se trouvent les trois astronautes, se détache. Collins est aux manettes, retourne le vaisseau et fait face à la fusée. Il s'avance lentement, vise et atteint sa cible. Une pénétration parfaite dans cette année 69 que le chanteur français Serge Gainsbourg avait qualifié d'érotique. Là, elle est héroïque. En tout cas, le vaisseau est complet. 7 heures après son décollage, Apollo 11 est fin prêt, direction la Lune. Dans le vaisseau, on peut enfin retirer le scaphandre. Les trois hommes effectuent les vérifications d'usage, mangent, puis se préparent à leur première nuit. Est-ce à ce moment-là qu'ils ont ouvert pour la première fois leur petit sac blanc ? C'est le seul bagage qu'ils ont eu le droit d'emporter, avec leurs souvenirs de la Terre, quelques photos et dessins de la famille, et puis un tas de bricoles, des petits drapeaux, des insignes et des boutons, enfin des choses anodines. Sauf que d'ici une semaine, ces objets auront effectué un voyage étonnant et deviendront des pièces de collection et des cadeaux incroyables pour les proches de l'équipage. En attendant ces jours de gloire, à travers le hublot, les trois astronautes observent la Terre qui s'éloigne, cette planète où on ne parle que d'eux et de leur épopée. Mesdames, que pensez-vous de l'expérience Apollo 11? C'est une splendeur. Magnifique. C'est la plus belle expérience de notre temps. Oui, c'est merveilleux. Vous savez, c'est très bien. Mais il faudrait pouvoir continuer. Mais je ne sais pas ce que ça va pouvoir apporter. Oh, c'est fantastique, hein, monsieur. C'est inimaginable, hein. C'est une chose qu'on n'aurait jamais cru si quelqu'un avait dit qu'on allait aller dans la Lune. Incroyable, en effet. Apollo vole la vedette Heidi Merckx et autour de France, comme partout dans le monde. Seul Moscou joue encore la discrète, mais en URSS, le secret est une seconde nature. Là-bas, les victoires sont filmées, reconstituées, mais les échecs sont découverts des années plus tard. Au pays de l'oncle Sam, au contraire, où la télé est déjà un média de masse, la philosophie est différente. La NASA filme, met en scène, abonde les médias d'images, de confidences et de révélations. Avant même le décollage, le plan de vol de la mission a été distribué à l'ensemble des journalistes qui le souhaitaient. Tout est écrit, décrit, heure par heure, on sait tout, jusqu'au moindre détail. Avant le grand jour, les astronautes salueront à plusieurs reprises la Terre lors de conférences télévisuelles cosmiques. L'image est floue, sombre et enivrante, tant on sait l'incroyable prouesse technologique qui se cache derrière tout cela. Grâce à de gigantesques antennes de 20 mètres de diamètre situées en Espagne, en Californie et en Australie, la Terre reçoit ces images venues d'ailleurs. 3 jours de vol pour atteindre la Lune et quelques secondes pour que ces ondes nous livrent leurs témoignages filmés. Lors de ces échanges, les astronautes présentent leurs appartements, le module de commandement surnommé Columbia et la seconde pièce, bien sûr, le module lunaire Eagle, l'aigle, et le paysage, évidemment, l'espace qu'on admire à travers les hublots. Les 3 astronautes semblent sereins, calmes. À Houston, au centre de commandement, alors que les 3 hommes jouent au reporter télé, leurs compagnons terriens, eux, se préparent à toute éventualité. Depuis le départ, plusieurs équipes tournent pour rester en contact continu avec le vaisseau, scruter le corps des 3 hommes, tout comme les battements de la machine qu'ils ont conçue. Parmi cette foule d'hommes au casque audio vissé sur la tête, un seul est en charge de la communication entre la Terre et l'équipe, c'est le Capcom. Et pour chaque mission, c'est un astronaute. Pour Apollo 11, c'est Charlie Duke qui s'y colle et qui ira lui-même sur la Lune un an plus tard, sur Apollo 16. Derrière lui, ils sont des dizaines dans la salle de contrôle, portant chemisettes et cravates, tous assis devant les écrans noirs où couleurs, courbes et chiffres défilent. Chacun a sa place et son rôle bien précis. Ils sont ingénieurs, astronomes, biologistes, mathématiciens, mécaniciens, une légion de terriens dont le seul but depuis presque 7 ans est de baliser la carte des astres, tracer un chemin à travers les étoiles pour atteindre la Lune. Le samedi 19 juillet, c'est chose faite. Vers 16h, le vaisseau se place sur orbite lunaire. Pour la première fois, Armstrong, Aldrin et Collins la voient. La lumière du soleil éclaire cette terre désertique faite de poussière et de cratères. Rien ne bouge, tout semble calme. Est-ce une ruine ? Acceptera-t-elle la présence de ces inconnus ? Puis Apollo 11 sombre dans l'obscurité la plus totale. On ne voit ni terre, ni lune, juste une présence aveugle, une attraction vers l'inconnu, une sensation d'être perdu et sans repère, avant de retrouver de nouveau la lumière. Première révolution autour de l'objectif, encore 12 tours avant d'y poser le pied. Ce soir-là, après quelques vérifications de routine, les 3 hommes dînent, puis s'endorment. Demain, ce sera le jour le plus long. Demain, ils se poseront sur la Lune. Juillet, 21h10. Ici Houston. Dimanche 20 juillet, à 384 000 km de la Terre, entre les étoiles, la Terre et la Lune, trois hommes se réveillent. Là où ils sont, ils doivent se sentir plus terriens que hommes. Armstrong et Aldrin s'infiltrent à l'intérieur du module lunaire, tandis que Collins reste dans l'autre pièce. À la 13e révolution du vaisseau, dans l'ombre de la Lune, sans contact avec la Terre, les deux modules se séparent. À Houston, c'est l'attente, insoutenable. Puis une voix, celle d'Armstrong, brise la crainte. Il annonce « L'aigle à ses ailes ». Alors Armstrong et Aldrin descendent la tête la première vers la mer de la tranquillité, nom de code du terre-plein qui doit accueillir le module. 12 000 mètres à absorber. Après quelques minutes, première montée de tension, une alarme se déclenche. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Same type, we're go flight. Okay, we're go. Same type, we're go. Flight center right on, real feet. Good, Roger. 2,000 feet, into the egg, 47 degrees. Roger. 47 degrees. How's our margin looking, Bob? It looks okay, we're okay. About 4.5. Roger. Eagle looking great, your go. Altitude update next, looks good. Roger. 1202, code erreur qui signale que l'ordinateur de bord est surchargé d'informations. Alors, que faire? C'est la boussole qui oriente le vaisseau vers la mer de la tranquillité. Malgré l'alerte, Houston confirme la poursuite de la descente. Les informations sont en partie relayées par un ordinateur au sol. Dans le bruit des alarmes, les deux astronautes scrutent sans cesse, presque frénétiquement, les panneaux de contrôle pour s'assurer que tout fonctionne. Ils en oublient presque d'observer la descente par le hublot pour se repérer. Ni eux ni Houston n'arrivent à déterminer leur position. Ce qui est sûr, c'est que le vaisseau s'apprête à atterrir au milieu de cratères. Alors, avec un sang-froid incroyable, Armstrong décide de maintenir le module à l'horizontale et de survoler la zone pour trouver un lieu plus accueillant. Mais à Houston, tous les yeux fixent la jauge d'essence. Charlie Duke signale à l'équipage. 60 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. 40 feet down 2.5. Picking up some dust. 30 feet 2.5 down. Great shadow. Stand four forward. 30. Four forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Ready? Dans 60 secondes, une petite minute, ils n'auront plus assez de carburant pour allunir et repartir. À Houston, la pression est à son maximum. Dans un silence de mort, tout le monde retient son souffle. Les secondes défilent. Oseront-ils annuler l'atterrissage? 30 secondes. Armstrong survole de façon horizontale la surface de la Lune, donne les informations techniques, les mètres restants. 100 feet, down at 19. 1000 pieds. à peine plus de 300 mètres. 140 feet down at 30 and at 15. And 400 feet down at 9. 400 pieds. Stay forward. 4.5 down. 5.5 down. On corrige la position du LEM avec un certain nombre de chiffres, vous avez pu noter au passage. 5.5 down. 9 forward. 20 feet. Tout va bien. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 100 pieds. Down 2.5. C'est fait. C'est fait. Le LEM est posé. Forward. Le LEM est posé sur la surface lunaire. Nous n'entendons pas la voix d'Aldrin et d'Armstrong. Il faut dire que pour l'instant, ils ont tout autre chose à faire que de décrire la surface lunaire ou leurs émotions. Après 102 heures, 45 minutes et 42 secondes, Armstrong et Aldrin viennent de se poser sur la Lune. Il est 15h17 à Houston, 21h17 à Paris. En France, quand Armstrong et Aldrin arrivent sur l'astre convoité, cela fait près de 3 heures que tous les programmes de l'ORTF se sont arrêtés pour retransmettre en direct cette nuit historique. Sur les ondes, France Inter, Intervariété et France Culture ont laissé leur place à une station commune et éphémère appelée Radio Terre. 30 heures d'antenne, de musique, d'entretien en direct avec les États-Unis et un jingle qui annonce Houston. Radio Terre, moins 30 secondes. Ici, Houston, Houston, Houston. Au micro à Houston, les heureux élus qui couvrent l'événement s'appellent Michel Forgy, Jean-Claude Berlé, Bernard Valette. Quelques heures après l'atterrissage, sans vraiment respecter la période de repos initialement prévue, on annonce la sortie prochaine des astronautes. C'est à ce moment précis, sans doute, qu'un peu partout dans le monde, des parents et des enfants ont réveillé leurs enfants pour qu'ils assistent en cette nuit d'été à ce moment historique. Et ils ont raison. Aujourd'hui, ces enfants sont des quinquas qui continuent de rêver quand on leur parle de ça. L'émotion est intacte. Fini les contes du soir, on referme pour un temps les pages d'Hergé et de Jules Verne et on se laisse emporter par la radio et la télé. Armstrong est sur le penche, c'est-à-dire exactement à l'extrémité de la plateforme, sur le point, normalement, de descendre l'échelle. En fait, il a encore un certain nombre de vérifications à effectuer à cet endroit, notamment son équilibre. Est-ce que je dois descendre? Est-ce que je dois commencer à descendre? A demandé Armstrong. Et Houston lui a répondu non, attendez encore un peu. On attend sans doute que Aldrin ait eu le temps de démarrer la caméra de télévision. Est-ce que tout est prêt maintenant? Est-ce que tout vous paraît normal? A demandé Houston à Armstrong. Réponse oui. C'est fait! L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. L'image est certes floue, c'est même un euphémisme, mais elle vient de l'inconnu. Alors, on plisse les yeux pour tenter de mieux voir. Et on reconnaît une ombre, deux jambes, une combinaison imposante et un scaphandre. L'ombre, c'est Armstrong. Sa combinaison est composée de 17 couches différentes de tissu, d'une paire de bottes, de 12 couches de fibres de verre et 13 de nylon. Les astronautes ont également emporté un système de survie de plus de 34 kilos avec 4 heures d'oxygène. Alors, tout doucement, un peu comme on met le pied dans l'eau froide avant de se baigner, Neil Armstrong descend l'échelle du LEM barreau après barreau. Durant ces ultimes secondes, les commentateurs laissent la parole aux images et aux conversations radiophoniques. Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Voici le premier pas. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong. That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. La phrase est gravée dans les mémoires de l'humanité pour l'éternité. Autant dire qu'il ne fallait pas se rater sur les mots, comme sur les barreaux de l'échelle. Ce lundi 21 juillet 1969, à 3h56, heure française, un homme pose le pied sur la Lune. Aux États-Unis, décalage horaire oblige, l'exploit est enregistré à 21h56. Puis c'est au tour d'Edwin de faire le buzz. Oui, Edwin Aldrin, dit Buzz Aldrin. Alors, sous nos yeux, deux hommes marchent de façon timide et fragile sur un sol de poussière. On suit leur apprentissage accéléré de la pesanteur, la sensation de souplesse et de légèreté. Durant ces premières minutes, les astronautes effectuent les premières descriptions lunaires, puis mettent en place les artifices du succès, un drapeau joliment disposé, une plaque déposée et une caméra minutieusement installée pour montrer le vaisseau, la lune et le drapeau. Les deux hommes prennent la pause, chaque instant est historique, comme ce coup de téléphone, sans doute l'un des plus chers de l'histoire. Au bout du fil, le président Nixon, fraîchement élu, qui récupère les lauriers de cette victoire historique. Je vous parle de la chambre ovale de la Maison Blanche. Impossible de vous dire quelle est notre fierté. Pour chaque Américain, c'est le jour le plus grandiose de sa vie. Les cieux sont devenus une part du royaume des hommes. Et votre séjour sur la mer de la tranquillité nous incite à ramener un peu plus de paix et de tranquillité sur le monde. Pour la première fois dans leur histoire, tous les hommes sont vraiment un et un seul, rassemblés dans ce que vous avez fait dans votre exploit. Armstrong répond. Merci, Monsieur le Président, c'est un grand honneur pour nous d'être là, de représenter non seulement les États-Unis, mais les hommes du monde entier qui ont suivi avec intérêt et passion et curiosité ce que nous avons fait. Et j'attends avec impatience du président Nixon de vous revoir jeudi prochain. L'appel dure quelques secondes. Après les festivités et le protocole d'usage, les deux astronautes déploient le matériel scientifique, poursuivent l'exploration de la mer de la tranquillité, photographient, filment et collectent les roches lunaires. Vers 6h, alors que la France éveille, Armstrong et Aldrin profitent des derniers instants sur la Lune. Les deux hommes remontent à l'intérieur du LEM et se reposent, enfin. Ce 21 juillet, après une nuit sur une autre planète, Armstrong pousse la mise à feu des moteurs du LEM et décolle. Quelques minutes plus tard, Columbia et Eagle se rejoignent. Armstrong et Aldrin retrouvent Collins, qui est le seul homme à n'avoir pas vu en direct les premiers pas de l'homme sur la Lune, un comble. Mais il est le premier terrien qui les récupère, un honneur. Le LEM, lui, s'écrase sur la Lune. On le jette après usage, comme un Kleenex. Après une dernière mise à feu, Columbia revient vers la Terre. La Lune, désormais, est dans son dos. Encore 3 jours, seul au monde. Le jeudi 24 juillet, Columbia plonge dans les eaux du Pacifique. Les trois hommes sont élitreuillés. Mais avant de serrer leurs proches et recevoir les honneurs du monde entier, ils devront attendre une période de quarantaine, de sorte qu'aucun mal ou maladie venu de la Lune ne les ait contaminés et bien sûr contamine les terriens. Ce 24 juillet 1969, le défi lancé par le président Kennedy est atteint. 3 hommes sont partis vers la Lune, 2 y ont posé le pied, ils sont revenus sains et saufs. Ils s'appelaient Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le 25 août 2012, Armstrong nous quittait. Aldrin et Collins, eux, sont toujours de ce monde. Avec 7 autres terriens encore vivants, 7 sur 7 milliards, rendez-vous compte. Ils partagent le privilège incroyable d'avoir posé le pied sur une autre planète. Hey! France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Apollo 11, et notre invité est un spationaute, parce qu'en France, on dit spationaute. Aux États-Unis, on dit astronaute, et je crois qu'en Russie, on dit cosmonaute. Bonjour Jean-Pierre Régnier. Bonjour Fabrice. Merci d'être avec nous. Je rappelle que parti du cosmodrome de Baïkonour le 1er juillet 93, vous avez rejoint la station spatiale Mir le 3 juillet en compagnie du commandant de bord Vassili Tsibliev et de l'ingénieur de bord Alexandre Serebrov, c'est cela. Vous êtes revenu sur Terre le 22 juillet 93 en compagnie de l'équipage qui était présent à bord de la station Mir, je crois, depuis 6 mois, c'est bien cela? Oui, c'est le fameux cosmonaute oublié. À l'époque, on avait fait toute une... Toute une histoire sur ce fameux cosmonaute qui était resté un an, et on avait dit, comme c'était le début de la Russie, la fin de l'Union soviétique, le début de la Russie, on disait que le changement politique avait fait qu'il avait été abandonné, qu'il n'avait pas de miel on lui avait pas approvisionné son miel pour survivre. En fait, c'était un programme scientifique tout à fait préparé et qui était destiné à préparer les missions lointaines sur le Mars pour voir un petit peu ce que les longues durées dans l'espace provoquaient d'un point de vue physiologique. Et le record, après, était de 14 mois. Parce que c'est vrai que si un jour on va sur Mars, il faudra tenir. Alors hein, ce sera à 2 ans à peu près, mais enfin pas 2 ans en impesanteur totale, puisqu'ils ont un séjour là-bas sur la planète. Alors, revenons donc à Apollo 11, quand même la matrice des grands exploits spatiaux de l'homme. Que faisiez-vous ce 21 juillet 1969 à 2h56 du matin? Ça, je me souviens, comme tous ceux de ma génération qui ont vécu ces moments extraordinaires, hein, Gagarine et la Lune, qui sont les deux plus grands événements de l'aventure habitée, spatiale. Et moi-même, je me retrouvais en gare de Dijon. Et qu'est-ce que je faisais en gare de Dijon? Eh bien, le train, à l'époque, s'arrêtait. Et il y avait une jonction entre les trains de l'Est et les trains parisiens. Et moi, je me dirigeais à Montpellier, où j'allais, quelques jours plus tard, faire mes premiers vols en avion, dans le cadre d'une sélection au SFACT, qui était un des services de la DGAC pour être pilote. Mmh. Et je me souviens très bien qu'on était là pendant la jonction, il y avait ils assemblaient des wagons, ils en rajoutaient d'autres, je ne sais plus très bien comment ça s'organisait, mais on était une heure là au bord du quai, en pleine nuit, à ne rien faire. Et sauf que là, tout le monde avait les transistors, on était très fiers d'avoir les transistors, parce que à l'époque, c'était une technologie moderne, qui nous permettait d'écouter la radio même sur le quai. Avant, on n'écoutait la radio que par des radios à lampe qui étaient branchées sur le secteur. Et là, depuis quelques années, on avait ces transistors et on a suivi en direct l'alunissage des premiers hommes sur cette planète. À ceux qui pourraient vous dire « Ah, mais vous n'avez pas vu les images », vous pouvez répondre, comme je le disais dans ce récit, que c'était une fabuleuse aventure du son. Par le son, passait beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous vous souvenez de ça? Oui, d'autant plus que la Lune, hein, dans la littérature, l'art, l'imaginaire, dans la religion, ça appartient à un autre monde, à un monde qui n'est pas le monde normal, matériel et terrestre, un autre monde. Et donc, c'est vrai que c'est parce que vous m'en parlez que j'y réfléchis, mais je pense que... C'est le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, hein, la Lune, Le fait d'entendre permettait d'être en communication par l'esprit avec ce qui se passait, ouais. Et finalement, de rendre ce contact avec l'irréel encore plus fort, sûrement. Alors, je vous pose la question parce que la plupart des astronautes sont des pilotes d'avion, alors plutôt des militaires, hein, sauf Armstrong. Au début, en tout cas. Au début, à l'époque d'Apollo, hein, de Gemini, Mercury, Apollo. Est-ce que ça vous a donné, vous, ce jour-là, envie d'être astronaute un jour? Vous savez, moi, comme je vous l'ai dit, j'étais à quelques jours non seulement de faire mes premiers vols en avion, mais c'était la première fois que j'allais voir un avion. J'en avais jamais vu un de près. J'avais une vingtaine d'années. Ah oui. J'avais 20 ans. Il y avait ce rêve-là qui était plutôt du domaine de Jules Verne, de la littérature, qui était en train de se réaliser, mais entre le premier exploit, c'était Gagarine, c'était l'Union soviétique, c'était quand même de l'autre côté du rideau de fer, donc déjà dans un autre imaginaire. Le continent américain, les Américains qui débarquaient sur la Lune, c'était aussi quelque chose qui, pour le jeune homme que j'étais à l'époque, était inatteignable. Donc c'est pas quelque chose du tout à cette époque que je transposais pour moi. Moi, mon grand rêve, c'était ce qui allait se réaliser et que j'imaginais pas encore 6 mois avant, c'est que peut-être j'allais pouvoir être pilote. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous êtes devenu spationaute, comment ça s'est passé? Parce que c'est pas un métier où on dit pas, tiens, je vais être spationaute. Voilà. Certains vous diront qu'ils ont rêvé tout petit de le faire. Bon. Ouais. Moi, j'avoue que peut-être j'étais plus modeste. Enfin, assez modeste. Pas dans mes ambitions, mais de manière réaliste, ce que je pouvais atteindre. Et donc, c'est, en fait, au fur et à mesure, j'ai coutume de dire qu'en fait, à la fois, j'ai été successivement pilote de chasse, pilote d'essai et astronaute. Et j'ai coutume de dire que à chaque fois, la transition, enfin, l'écarrage, la réalisation que j'allais pouvoir devenir soit pilote d'essai, soit astronaute ou pilote de chasse, ça a commencé quand j'ai vu un papier d'inscription à une sélection sous les yeux. Et tout simplement. En particulier, ouais. Alors j'aime pas le terme spationaute, hein, mais on peut en parler. Pourquoi? Ouais, bah dites-le pourquoi, parce que c'est celui qui est retenu en principe. Parce que c'est quelque chose qu'on avait inventé quand on développait le programme Hermès. Le programme Hermès était un magnifique programme d'avion spatial qu'on a développé d'abord en France dans les années 85 à 90 et qui est devenu un programme européen qui n'a jamais été réalisé. Et moi, je compte que dans cette aventure, un peu comme dans Jules Verne, on est identifié à son équipage. Et donc, c'est vrai que si on avait pu emmener des astronautes étrangers dans Hermès, un avion européen, un avion français, on aurait pu demander aux autres d'avoir le nom de l'équipage qu'on voulait donner. Mmh. Dans notre cas, dans mon cas, j'ai volé avec des Russes. J'étais dans un véhicule russe avec deux camarades russes. Et donc, je me targue et je suis assez fier d'avoir été un cosmonaute. Bon, on le retient. Alors, on va revenir à Apollo 11, qui ne tombe pas du ciel, si je puis dire. Je veux dire par là qu'il y a eu des missions préparatoires d'Apollo. On a parlé dans le récit d'Apollo 8, qui est quelque part la plus belle avant 11. Mais il y a eu aussi Apollo 7, Apollo 9, autour de la Terre, et puis Apollo 10, pour des manœuvres autour de la Lune. Donc, vous voyez, une graduation comme ça. Le 12 avril 1961, le jour où Gagarine va dans l'espace, Jean-Claude Pecker, de l'Observatoire de Meudon, explique au micro, mais on va l'écouter ensemble, c'est une archive, comment va se dérouler, selon lui, l'exploration de la Lune, ses étapes. Vous verrez qu'il avait vu juste. Une dernière question, Monsieur Pecker. Logiquement, quel devrait être le prochain voyage de l'homme dans le cosmos? La Lune, Mars ou Vénus? Ah, voilà une question intéressante. Naturellement, il faut bien se prendre garde à une confusion qu'il ne faut pas faire. On n'ira pas atterrir sur la Lune, je m'excuse, à l'unir. Parce que le problème résolu actuellement, c'est celui du départ de la Terre, celui du retour sur la Terre, ce n'est pas nécessairement celui du départ d'une planète ou de la Lune. Par conséquent, le premier voyage sera certainement d'aller faire un tour autour de la Lune sans s'y arrêter, sans y débarquer. La Lune, c'est l'approche banlieue, ce sera certainement la prochaine expérience aussi. On fera probablement d'autres expériences autour de la Terre, mais enfin la prochaine nouvelle expérience sera autour de la Lune. Voilà, effectivement, il y a eu ces manœuvres sans le LEM avec Apollo 8, et puis après cette manœuvre avec aussi le LEM, ça c'était pour Apollo 10, où ils sont vraiment, vraiment approchés, John Young et son équipage sont approchés, presque pu à l'unir, mais c'était pas prévu. Donc après, il y a Apollo 11 qui est une sorte d'apothéose. Qu'est-ce qui vous émeut le plus, vous, dans la réussite de cette mission Apollo 11, en tant que cosmonaute? Je sais pas si c'est au niveau de l'émotion, mais plutôt de la raison, c'est de se rendre compte que l'histoire du vol habité a commencé avec Gagarine, en fait, c'est le premier homme qui a volé dans l'espace en 1961, mais qui avait été précédé et qui n'a été possible que parce qu'on avait défini, les Russes avaient fabriqué un lanceur Vostok à l'époque, qui a permis, dans un premier temps, de tester le premier satellite automatique aussi, hein, comme on a vu la graduation entre faire le tour de la Lune, puis après se mettre en orbite et puis revenir. Eh bien, avant de faire le premier vol humain, il y a eu un premier vol d'un satellite automatique, après la chaîne Laïka, vous vous en souvenez? Oui. Mais donc là, on parle de 57, le premier satellite artificiel de la Terre, 1961, le premier vol d'un homme dans l'espace, 1969, c'est-à-dire 8 ans après le vol de Gagarine, l'atterrissage d'un homme sur la Lune. Je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte de l'accélération extraordinaire de l'histoire qu'il y a eu à cette époque. Alors que donc 69 et depuis, bon, on a fait des choses aussi intéressantes. On a fait les stations spatiales, la navette américaine qui est un avion qui revient et qui est réutilisable, qui d'un point de vue technologique est extraordinaire. Mais ce qui s'est passé entre 61 et 69, c'est carrément du miracle. Et souvenez-vous du discours de Kennedy quand au lendemain du vol de Gagarine, un peu vexé que ce ne soit pas un Américain qui ait fait le premier vol, il a fait cette fameuse déclaration. Il vous disait, dans cette décade, il utilisait ce mot « decade » en anglais, « nous ferons voler des Américains et nous les poserons sur la Lune et le ferons revenir sains et saufs sur la Terre. Et nous le faisons non pas parce que c'est facile, mais justement parce que ça paraît impossible. » Et ouais. Tout ça, c'est passé, ce qui s'est passé en 8 ans, c'est la réalisation d'un rêve complètement impossible. Alors c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, une volonté politique, hein, puisqu'on est dans un débat politique et géopolitique entre les deux grands. Il y a une compétition fertile, finalement. Il y a des milliers d'entreprises américaines qui vont fabriquer la moindre pièce du LEM, du module de commande. Ce sont des années de croissance aussi, évidemment. C'est tout cela qui fait qu'on propulse des hommes sur la Lune. La volonté politique pour un projet comme celui-là, elle est primordiale. Et on ira sur Mars quand il y aura une volonté politique équivalente. Parce que d'abord, même 8 ans, c'est une grande période dans nos démocraties. Ça dépasse, par exemple, un mandat présidentiel. Donc, ça peut dépasser une volonté politique. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle plus de 8 ans. Souvenez-vous que quand Reagan avait émis le projet de renvoyer à nouveau des Américains sur la Lune, il parlait d'une période de 14 ans. Oui. Alors qu'on est dans une période beaucoup plus riche et à la fois matériellement et techniquement par rapport à cette époque des années 60. Donc le budget, c'est comme une question budgétaire. Même alors le budget, on se souvient, bien ça, sûr, c'était des budgets considérables. Voilà, et même si Reagan avait envie, déjà on sentait qu'il y avait une volonté de ne pas aller un peu dans le délire budgétaire, parce que ça coûtait extrêmement cher. Centaines de milliards de dollars, bien évidemment. Cela dit, tout doit être comparé. Les budgets qui étaient investis dans la défense étaient encore plus considérables. Donc toute proportion gardée, c'était pour une aventure qui était quand même pacifique, c'est-à-dire que là, on n'allait pas se battre contre les Russes sur la Lune. On se battait pour avoir la meilleure technologie. C'était une démonstration technologique, démonstration de puissance des États. C'était finalement un revirement par rapport à l'époque de la guerre froide où on développait essentiellement des armements. Et c'est vrai que quand vous regardez ce qui s'est passé en Europe et en France plus singulièrement, on a fait Concorde grâce au Mirage 4 qui avait été fabriqué pour la guerre froide, pour la défense nucléaire. On a fait Ariane sur la base des missiles qui avaient été développés pour la défense. Et c'est ça qui est extraordinaire et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la défense civile, au travers du vol habité ou d'exploration scientifique, elle sert de développement de la recherche technologique qui servira après dans les programmes d'application pour les satellites de navigation qu'on utilise maintenant. Avant, cette recherche était essentiellement financée par l'effort militaire. Alors, parmi tout ce qui nous a fait rêver, il y avait aussi ces conversations entre l'espace et la Terre. Alors, il se trouve que vous, en juillet 1993, lors de votre mission, un peu comme les astronautes d'Apollo 11 avec Richard Nixon, toute proportion gardée, en tout cas pour le premier ministre français que vous aviez au téléphone à ce moment-là, c'était Édouard Balladur. Donc voilà, conversation Terre-Espace avec le premier ministre de l'époque en France, Édouard Balladur, ainsi, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'avec votre fils. On va écouter ça ensemble. Bonjour Jean-Pierre Nieret. Voilà quelques jours maintenant que vous êtes en orbite. Est-ce que vous avez le sentiment d'être parfaitement adapté maintenant ? Le mal de l'espace, c'est arrivé même à des. On a parlé d'un professeur américain qui avait volé, qui était un ancien pilote de chasse. Et j'avais peur d'avoir ce problème et de ne pas être disponible pour le travail. J'ai eu la chance, dès pratiquement les premières heures où j'étais en orbite, d'être en pleine forme. Et j'en suis très heureux pour moi et pour mes camarades. Tous nos concitoyens sont fiers de vous, vous souhaitent une bonne chance et un grand succès. Et maintenant, je vais passer la parole à votre fils. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Allô ? Papa, ça va ? Bonjour Philippe. Je vais te montrer quand même un petit peu comment c'est l'espace. Regarde un petit peu comment on peut se déplacer. Là, on peut voler complètement. mieux travailler à l'école pour pouvoir un jour faire la même chose. Voilà. Ça vous rappelle évidemment des souvenirs très nets. Vous avez dit, oh là là, mon fils, sa voix de gamin. Oui, oui, bah maintenant il a 38 ans, un an près, et il est à Airbus où il fabrique des avions chez Airbus. En fait, il est responsable de la qualité chez Airbus. Donc vous voyez, il a suivi quelque part un petit peu la ligne. Tradition familiale, hein, chez les Aigneret. Bon, qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on est dans... Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très nombreux sur Terre, hein, les terriens qui sont allés dans l'espace. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, il reste 7 hommes sur 7 milliards qui ont posé le pied sur la Lune. Et il se trouve que ce week-end, Edgar Michel est mort. Edgar Michel, c'était l'un des deux astronautes qui ont posé les pieds sur la Lune lors de la mission Apollo 14, donc avec Alan Shepard, qui lui-même avait été le premier Américain envoyé dans l'espace. Donc ils ne sont plus que 6. Alors vous, je vois, vous êtes une poignée... de terrien, avoir connu l'espace. Vous vous rendez compte quand même? Qu'est-ce qu'on ressent dans l'espace? C'est une question un peu large, hein, je l'avoue, mais qu'est-ce que vous retenez, vous, de la sensation humaine? Mais d'abord, c'est la réalisation d'un rêve. J'étais un lecteur de Jules Verne, de Tintin aussi, mais surtout de Jules Verne qui, dans les romans de Jules Verne, vous avez toujours un personnage principal qui est un engin mécanique. La Calypso, le ballon. Il y a toujours un moyen technologique extraordinaire qui donne à l'homme la liberté et la possibilité d'aller bien au-delà de l'horizon du moment et qui lui permet aussi de faire des découvertes scientifiques. Et en fait, c'est ces lectures de Jules Verne que j'ai réalisées d'ailleurs très symboliquement pour mon deuxième vol, parce qu'en fait j'ai fait un deuxième vol de 6 mois qui est une très longue durée, et là c'est pas seulement visiter l'espace, c'est vivre dans l'espace. Et j'ai tenu pour ce deuxième vol à emmener 2 livres, De la Terre à la Lune et Voyage autour de la Lune de Jules Verne, que j'ai mis dans la bibliothèque de Mir, un petit peu comme dans la Calypso, il y avait une bibliothèque, hein, si vous vous souvenez, Capitaine Nemo avait dans son bureau une bibliothèque où il y avait des livres, et j'ai laissé ces 2 livres dans la bibliothèque de Mir. C'est, en anglais, on dit achievement, c'est-à-dire la réalisation d'un rêve, réalisation de soi, et c'est une énorme richesse de dire qu'on a participé à une aventure extraordinaire, qui est pas seulement une aventure égoïste qui vous permet de vivre votre propre rêve, mais aussi de faire progresser la science dans un certain nombre de domaines, puisque nos expéditions ont une forte portée scientifique, mais aussi de participer au développement des technologies qui, j'espère, permettront à l'espace d'enrichir les possibilités de l'homme sur Terre, comme elles le font déjà considérablement depuis quelques moments. Eh bien, espérons ensemble. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Venu nous voir, nous, pauvres terriens. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Apollo 11, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.